Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. 2 heures pour exercer notre curiosité tous azimuts. Cet été, Emmanuel Macron a annoncé la création de l'armée de l'air et de l'espace. Donald Trump, quant à lui, a lancé une nouvelle force de l'espace. Que se trame-t-il au-dessus de nos têtes? Espionnage, brouillage, destruction de satellites? En quoi consistent les opérations militaires qui se jouent en orbite? Nous allons en parler dans un instant. Vers 15h40, dans la revue d'actu avec Mathieu Novak et Sophie Bécherel, nous reviendrons sur les conclusions du dernier rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère. Et nous parlerons aussi d'une étude sur le contenu des biberons des bébés au temps de la préhistoire. Et en deuxième heure, nous plongerons à la rencontre des baleines à bosse, des cachalots, des orques et des dauphins. Les scientifiques commencent à peine à entrevoir toute la richesse et la complexité de l'organisation sociale de ces mammifères marins. Nous le découvrirons avec l'océanographe François Sarano et le bioacousticien Olivier Adam. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet. Elle a été préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Florent Layani et Florent Bujon. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Hier, cette navette Atlantis, entièrement réservée aux militaires américains, décollait avec dans sa soute 2 satellites ultra secrets. En janvier dernier, un énorme satellite espion avait déjà voyagé à bord de Discovery. À Vandenberg, en Californie, un nouveau pas de tir de navette a été spécialement construit exclusivement pour les militaires. La guerre des étoiles est déjà déclarée. Extrait d'un reportage de Patrick Hester en 1985. Bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des politiques spatiales. Des satellites militaires secrets, des satellites espions, on l'entendait hein, dans cet extrait de reportage. En 1985, déjà, on parlait de guerre de l'espace. Très tôt, les militaires se sont invités dans l'aventure spatiale. On peut dire qu'ils étaient là dès le début, en fait. Oui, ils étaient là dès le début. On peut même dire que l'espace est le fils un peu de l'effort militaire qui va se mettre en place de manière industrielle après la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'espace résulte de la rencontre de 2 technologies. La technologie des missiles balistiques, ce sont les fameux V2 allemands qu'on va découvrir finalement aux États-Unis comme en URSS à l'époque, en Union soviétique. On va essayer de kidnapper les ingénieurs allemands pour qu'ils travaillent sur ces questions-là. Et puis aussi, on invente l'arme nucléaire au même moment. Et on se dit que si on met une arme nucléaire en haut d'un missile balistique, ça fait une arme d'un nouveau genre qui peut vous donner la victoire définitive ou qui veut vous infliger la défaite définitive. Et finalement, ces 2 technologies vont inciter et l'Union soviétique et les États-Unis à se surveiller mutuellement. Et pour se surveiller mutuellement, ils inventent les satellites. C'est-à-dire que les premiers satellites qui ont été inventés, c'était dans l'idée d'aller espionner le voisin. Les premiers satellites qui ont été inventés l'ont été d'abord dans le cadre de l'année géophysique internationale, mais sous-jacent, il y avait évidemment le projet d'abord de savoir si légalement on avait le droit de survoler un territoire avec un satellite. C'était pas du tout acquis dans les années 50. Spoutnik, 1957, la première mondiale très bien connue, va finalement définitivement, autoriser cet emploi-là. Et puis, eh bien, aux États-Unis, très rapidement, dès avant Spoutnik, en réalité, on avait lancé un programme secret avec un objet qui irait suffisamment haut, suffisamment vite pour tourner autour de la Terre et qui aurait une caméra, un appareil photo qui prendrait des photos pour voir si ces fameux missiles soviétiques étaient en construction ou non. Dans la suite, hein, Ronald Reagan, en 1983, je crois, imagine, les détracteurs parleront de guerre des étoiles à propos de son projet, mais lui imagine que la sécurité viendra de l'espace, il imagine une sorte de protection spatiale contre les missiles ennemis. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un peu une rupture stratégique, parce que jusqu'à cette date, finalement, les satellites surtout servaient à s'espionner mutuellement et garantissaient une forme d'équilibre. Ronald Reagan veut rompre avec ça, parce que, en bon américain, il n'aime pas être menacé, il n'aime pas l'idée d'être menacé, de vivre sous une menace. Donc l'idée, c'est de se protéger et de déployer ce qu'on appelle un bouclier spatial qui ferait intervenir beaucoup, beaucoup de satellites d'observation, de détection, de trajectographie, et éventuellement de destruction pour détruire les missiles arrivant sur les États-Unis. Ça n'a pas été à son terme, ce projet. Non, il y avait énormément d'impasses en matière de physique. La physique étant ce qu'elle est, quand même, tout n'est pas possible. Les armes qui étaient imaginées, par exemple, beaucoup de stations laser orbitales à cette époque, engendraient en fait la construction de véritables usines en orbite et l'énergie dépensée. Tout cela rendait le sujet impossible. Mais ça a eu une conséquence quand même très importante qu'on mesure maintenant, c'est que ça a permis à l'industrie d'engranger énormément de milliards pour faire ce qu'on appelle la recherche et du développement dans le domaine spatial. Et on commence à en voir les fruits aujourd'hui, en fait. Alors oui, c'est ça. Ça a des applications ensuite, y compris pour le civil. Dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a amélioré, ce faisant, in fine, par le biais de ces programmes militaires surfinancés, les capteurs, la gestion de l'énergie à bord des satellites. Par exemple, on a pu miniaturiser des choses qui faisaient des tonnes avant, qui font quelques kilos seulement aujourd'hui. Donc là, c'est en train de changer véritablement le spatial d'aujourd'hui. À partir de quand on a officiellement parlé de satellite espion ? Pendant longtemps, le terme était un peu tabou, hein ? Jusqu'en 1993, en réalité. Ça a été reconnu par l'administration de Bill Clinton à l'époque comme existant. En réalité, et l'Union soviétique et les États-Unis savaient qu'ils s'espionnaient, mais il n'y avait pas de reconnaissance officielle d'aucun côté. Et d'ailleurs, dans les traités de désarmement, on utilisait un mot codé, une expression codée pour désigner les satellites, ça s'appelait les moyens techniques nationaux. On savait que quand dans un traité vous aviez écrit moyens techniques nationaux, ça voulait dire satellite espion. Quelle pudeur. Aujourd'hui, tous les satellites militaires sont connus ou certains sont furtifs, sont complètement clandestins dans l'espace ? Alors, aujourd'hui, les objets évoluant dans l'espace sont de mieux en mieux connus, en tout cas de mieux en mieux repérés. Alors, il y a une différence. On peut détecter des choses, il y en a qui sont effectivement un peu furtifs. Quelques-uns, on ne sait pas exactement si finalement la signature qu'ils présentent est représentative de leur taille réelle. Mais surtout, on ne sait pas ce qu'ils font pour un certain nombre d'entre eux. Il y en a un qui est un satellite d'un certain type, qui est le fameux X-37B américain, cette petite navette américaine qui vole en ce moment pendant plusieurs années autour de la Terre. On ne sait pas trop ce que fait cette navette. C'est une navette de l'US Air Force. L'US Air Force dit que c'est un banc d'essai, en fait, pour tester des technologies. Tout le monde s'inquiète un petit peu, mais en réalité, c'est devenu un peu dans le folklore spatial. Finalement, c'est un objet qui est toujours bien connu, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Oui. On n'a pas une petite idée, vous qui êtes quand même un spécialiste de la politique spatiale américaine? Mais il y a sans doute, c'est vrai, des tests, des expérimentations sur des capteurs. On essaye de peut-être de faire varier aussi l'orbite de cette navette en prenant un peu appui sur l'atmosphère, des choses comme ça. Dire que ça teste des armes spatiales, ce serait sans doute s'avancer beaucoup. Parmi les satellites en orbite autour de la Terre, combien sont militaires ? Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 2000 satellites opérationnels qui fonctionnent. Donc ça, c'est tout confondu, pas uniquement les militaires. Scientifiques, civils, commerciaux, militaires. En matière militaire, on imagine aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 500 satellites, quelque chose comme ça. Pour les Américains, ce sont largement les premiers acteurs là-dedans. On en a à peu près 180. Après, une cinquantaine sans doute pour la Chine, une quarantaine pour la Russie. Et puis après, c'est réparti dans le... Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de satellites qui sont de petite taille et qu'on emploie en constellation. Donc, ça multiplie le nombre. Donc, on a effectivement un gros acteur militaire quand même, qui sont les États-Unis. Et alors, de quoi sont-ils capables, ces satellites militaires ? On a parlé d'espionnage, donc d'observation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Alors, ils peuvent observer. Alors, bien sûr, historiquement, les satellites, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec le nucléaire. Donc, on ne les a développés que pour une seule raison, être capable de se préparer à une attaque massive de l'autre partie, finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on veut regarder ? On veut d'abord regarder ce qui se passe dans les silos de missiles, dans les installations, essayer de faire du renseignement pour voir s'il y a une activité anormale, etc. Et puis, on veut regarder ensuite les départs de missiles, c'est-à-dire qu'on va détecter la flamme, la chaleur produite par la fusée elle-même qui va emporter l'arme. Et ça va être ce qu'on appelle les satellites d'alerte avancée. Et ensuite, on va suivre ces satellites, trajectographie, et puis on va utiliser ces satellites pour télécommuniquer, pour écouter les stations, écouter des radars, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui se passe au sol. Ça a un peu évolué. On est passé d'un contexte stratégique, on va dire, de renseignement, aujourd'hui à un contexte où les satellites servent aussi à faire la guerre, en réalité, au sol, avec les soldats. On leur transfère des informations en temps réel. Ils peuvent piloter des drones qui vont aller bombarder des terrains lointains, etc. Donc, on voit que les satellites se sont convertis pour devenir plus intégrés, mieux intégrés dans ce que les militaires appellent le système d'armes. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qu'on voit qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, alors tout à fait nouveau, pas techniquement, mais d'un point de vue opérationnel, c'est qu'on voit des satellites qui sont destinés à se rapprocher d'autres satellites, en gros, on va dire, à mener des opérations dans l'espace. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est ce que les Américains appellent le counter-space. Donc, c'est le satellite contre-spatiaux qui ont vocation à protéger leurs satellites, voire éventuellement à aller embêter un autre satellite. Alors, dans ce contexte, on comprend qu'en 2007, il y a eu comme une légère inquiétude quand une opération des Chinois est survenue. Alors, ils agissaient sur l'un de leurs propres satellites. est entrée dans une nouvelle ère, celle de la guerre dans l'espace. D'après les services de renseignement américains, aujourd'hui, la Chine a réussi son premier essai d'une arme capable de détruire des satellites. Une information qui inquiète la communauté internationale. Bernard Lebrun, Philippe Jasselin. Selon la Maison Blanche, le 11 janvier dernier, la Chine aurait testé avec succès un missile anti-satellite tiré du Sichuan et atteignant à 800 km d'altitude un satellite météo chinois hors d'usage. Et selon les experts, il y aurait eu d'autres tentatives. On a aussi su, de la même manière, c'est-à-dire par les États-Unis, que les Chinois avaient fait un autre test l'été dernier. Et là, on a su qu'ils avaient aveuglé un satellite. Et pour le coup, c'était un satellite américain. Pékin s'est empressé de démentir, disant ne pas être au courant et affirmant que son programme spatial était sans menace pour les autres. Il y a 20 ans qu'États-Unis et Russie maîtrisent cette technologie anti-satellite. La Chine serait donc le troisième pays. Xavier Pascaud, qu'ont fait les Chinois exactement en 2007 ? Une démonstration de force en détruisant ce satellite ? Un test pour un jour peut-être refaire la même chose, mais sur un satellite d'une puissance qui serait devenue une puissance ennemie ? Un peu les deux, finalement. D'abord, effectivement, une démonstration de force. Comme il a été dit dans les archives que vous avez diffusées, les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, c'est pas encore la Russie, ont déjà mené ce type de test. Surtout l'Union soviétique, à vrai dire. Avec des techniques un peu différentes. C'est-à-dire qu'ils étaient offusqués, mais eux-mêmes l'avaient déjà fait. Oui, absolument. Enfin, oui. La technologie qui consiste à essayer de voir si on peut détruire un satellite en orbite, ça fait partie des choses que toute puissance spatiale, alors pas toutes les puissances spatiales, mais ces grandes puissances spatiales stratégiques militaires ont tenté. Et donc les Chinois, en 2007, le 11 janvier 2007, ont utilisé un missile basé au sol, donc, et l'ont tiré vers un de leurs satellites. Satellite coopératif, néanmoins, parce que c'est un satellite qui leur appartenait, dont ils connaissaient exactement la position. Mais néanmoins, l'une des difficultés avec ce test, c'est d'abord qu'effectivement, il a fait monter la tension. Et puis, incidemment, il a créé beaucoup de débris sur une orbite très, très occupée. L'orbite à 800 km, c'est une orbite circulaire ultra stable, très utilisée par les satellites d'observation de la Terre, notamment. Et donc, évidemment, si vous faites beaucoup de débris, des débris de quelques centimètres à ces vitesses-là peuvent, évidemment, tuer un satellite, j'allais dire, le détruisent complètement. Donc ça a généré beaucoup, beaucoup de discussions par la suite dans la communauté internationale. Alors, beaucoup de discussions, mais en fait, rien n'interdit de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité aujourd'hui qui interdit à un pays, alors les autres peuvent toujours s'offusquer, mais on a le droit de désinguer son propre satellite en orbite dans l'espace. Tout à fait. J'allais dire, on a même le droit de désinguer un satellite qui ne vous appartient pas. Le seul traité qui existe qui parle de ces questions, c'est ce qu'on appelle le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967. Et ce traité n'interdit qu'une chose, c'est de placer en orbite des armes de destruction massive, en gros des bombes nucléaires. Si ce que vous placez en orbite n'est pas une bombe nucléaire, vous avez le droit de le faire. Alors évidemment, c'est un peu idiot parce que dans l'espace, le problème c'est que tout le monde est un peu interdépendant et quand vous faites quelque chose, tout le monde a payé le prix, y compris vous-même d'ailleurs, puisque les débris, vous ne pouvez pas les éviter. Autrement dit, si une troisième guerre mondiale éclatait, la solution pour aucun des pays serait de faire voler en éclats les satellites ennemis, puisque tous les débris viendraient impacter tous les satellites, y compris ceux de ceux qui auraient lancé l'attaque, et du coup, tout le monde serait perdant. Tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas de satellite, j'allais dire. Ah oui. Mais et qui auraient simplement une fusée capable d'exploser à une certaine altitude dans l'espace. Ça, c'est craint beaucoup par les militaires qui commencent à se rendre compte qu'une hyperdépendance du spatial crée aussi une vulnérabilité. En même temps, effectivement, vous avez raison, les grands pays susceptibles de faire ça, pour l'instant, effectivement, se contrôlent par nécessité, j'allais dire. Alors, il y a ces satellites que l'on détruit, et puis il y a ces satellites que l'on espionne. Ils s'espionnent entre eux. La ministre des Armées, Florence Parly, a évoqué l'espionnage sur un satellite français au détour d'une interview le 14 juillet dernier sur France Inter. Il y a 1500 satellites autour de la Terre et ces satellites sont de plus en plus considérés comme des objets qui peuvent éventuellement être espionnés ou être modifiés. Nous avons fait l'objet d'attaques aujourd'hui. Nous avons fait l'objet de tentatives qui ont été déjouées. C'était un satellite russe qui s'approchait d'un peu trop près de l'un de nos satellites et donc il ne faut pas être naïf et il faut donc pouvoir protéger ce qui est vital pour le fonctionnement de nos systèmes de transport, nos systèmes aériens, les hôpitaux, bref. Tout ce qui est indispensable à la vie doit être protégé. Xavier Pascaud, ce qui frappe, c'est que rien n'a l'air secret. C'est-à-dire que la ministre des Armées dit publiquement « Oui, les Russes sont venus espionner l'un de nos satellites ». Mais alors concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que on a vu ce satellite russe s'approcher d'un satellite français ? Voilà, on a de plus en plus de capacités quand même à voir ce qui se passe en orbite. Alors, notamment sur cette orbite géostationnaire, qui est une orbite très utilisée par les satellites de télécommunication, puisque cette orbite a la caractéristique finalement de faire en sorte qu'un objet qui s'y trouve se trouve toujours à l'aplomb du même point terrestre. Il suit la rotation, donc c'est très utile pour diffuser de l'information, évidemment, 24 heures sur 24. Et on voit des satellites qui bougent dans cet arc géostationnaire, ce qu'on appelle l'arc géostationnaire, avec évidemment des satellites qui sont normalement immatriculés aux Nations Unies et qui ont normalement une fonction qui est décrite. Alors tout le monde n'est pas totalement immatriculé, tout le monde ne décrit pas totalement. Et puis, évidemment, les pays s'espionnent, s'observent, et on distingue très bien les satellites militaires qui font des rapprochements suspects. C'était un satellite militaire, celui qui a été espionné par les Russes ? Oui, absolument. C'était le satellite Syracuse, a priori, je crois, et qui est le satellite de télécommunication français assez classique, qui existe depuis plusieurs générations, j'allais dire, pour servir les forces armées, notamment. Et celui qui a espionné, le satellite russe, on le connaît aussi ? Le satellite Louche Olympe, oui, il est tout à fait répertorié. Ça fait partie des satellites qui sont tout à fait documentés, dont on suit en réalité. Il s'est rapproché de satellites commerciaux, puis après il est retourné voir d'autres satellites. Alors à un moment, on a cru qu'il suivait des unités navales pour lui-même communiquer avec ces unités. Donc il y a quand même un léger flou qui entoure ce type de satellite. On ne sait pas exactement mais ce qu'il estime, a fait. On suppose qu'il vient pour capter des transmissions. Mais la ministre des Armées a dit très pudiquement « on a paré l'attaque ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, alors là, vous rentrez dans c'est dans un domaine qui semble tout à fait confidentiel. Moi, j'ai pas d'informations privilégiées. Évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour parer l'espionnage d'un satellite qui s'approche d'un satellite qui nous appartient ? Voilà, pour parer l'attaque, je pense a priori, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Peut-être bouger un petit peu le satellite sur sa propre position, l'écarter un petit peu du satellite, par exemple, prendre en compte ceci. Ensuite, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas, a priori, de moyens de défense dans l'espace. C'est-à-dire qu'un satellite qui se rapproche de vous, vous pouvez constater qu'il se rapproche de vous. Et donc, vous pouvez redouter aussi que, par exemple, il vous brouille. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est-à-dire quand même... il vous brouille? Qu'est-ce qu'on peut brouiller? On peut brouiller les... Quand vous utilisez un satellite de télécommunication, c'est pour transmettre de l'information vers un bataillon, par exemple. Et si un satellite se rapproche du vôtre et brouille vos émissions, le bataillon ne reçoit plus les informations. Donc ponctuellement, vous avez on coupe la ligne. On coupe la ligne. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez le faire depuis le sol, vous pouvez le faire depuis l'espace. Donc tout ça commence à faire un système d'ensemble. Ouais. Alors, il y a aussi, pour observer ces déplacements de satellites et ces satellites plus ou moins identifiés, des moyens au sol. Alors, un système radar en France qui s'appelle GRAVE, Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale. Et d'ailleurs, il a été mis en service en 2005. Dès qu'on a allumé ce dispositif, on a eu une surprise. Oui, parce que jusqu'alors... finalement, nous ne disposions pas de moyens de savoir ce qui se passait dans l'espace. On est un peu à l'image d'un commandant de pétrolier qui arriverait dans un port et qui n'a pas de carte marine, qui ne sait pas où sont les écueils, etc. Donc, on a mis en place ce système et on s'est aperçu que les informations qu'on recevait, notamment des États-Unis qui distribuent ces informations, et à la limite, je dirais, ils n'ont aucune obligation de les distribuer, ils le font depuis des années. Bien, il y avait quelques éléments qu'on voyait, une trentaine, je crois, de satellites qui n'étaient pas dans le catalogue. Donc on l'a laissé entendre. Ils avaient oublié de tout déclarer. Voilà, donc on a laissé entendre qu'on voyait des choses, parce que ça fait partie aussi de l'autonomie stratégique. Et donc, il y a eu une petite tension diplomatique sur ce sujet. On peut pirater un satellite, prendre le contrôle d'un satellite ? Alors, on peut prendre le contrôle d'un satellite, comme tout système, finalement, j'allais dire numérique, le cas échéant. On parle beaucoup aujourd'hui, l'une des craintes très fortes pour le spatial, c'est l'attaque cyber, par exemple. Effectivement, la prise de main, j'allais dire, sur le contrôle. Les États-Unis et la France ont annoncé cet été qu'ils allaient réorganiser leur armée pour y inclure un commandement de l'espace. Vous allez nous dire, Xavier Pascaud, ce que cela signifie exactement dans la suite de notre discussion. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Space Oddity, c'était David Bowie. France Inter. Du vent dans les synapses. Nous allons désormais traiter l'espace comme une région indépendante, supervisée par une nouvelle unité géographiquement unifiée de commandement. La mise en place du 11e commandement militaire est un moment historique. C'est un jour historique qui reconnaît la place centrale de l'espace dans la sécurité et la défense nationale. Nous ouvrons un autre grand chapitre de l'histoire de l'armée américaine. Spacecom veillera à ce que la domination de l'Amérique dans l'espace ne soit jamais remise en question ni menacée, car nous savons que le meilleur moyen de prévenir les conflits est de se préparer à la victoire. Donald Trump, le 29 août 2019, c'était il y a moins d'un mois. Xavier Pascaud, spécialiste de la politique spatiale américaine. C'est un effet d'annonce ou une décision importante que de lancer ce nouveau commandement de l'espace que vient d'annoncer Donald Trump? Alors, c'est pas une création, c'est une recréation. Le commandement de l'espace existait auparavant. Il y a longtemps. Oui, il avait été créé en 84, je crois, et aboli et abrogé en 2002 par Donald Rumsfeld, d'ailleurs, qui était secrétaire d'État à défense de George W. Bush, essentiellement parce qu'on imaginait à l'époque que ce serait mieux d'intégrer l'espace au reste, finalement, de l'activité militaire. Et là, on fait un peu machine arrière, d'une certaine manière. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement une révolution. Alors, on n'est pas, avec la création de ce US Space Command, on n'est pas dans le projet complet du président Trump, puisqu'en réalité, ce que voulait Donald Trump, c'était la création d'une Space Force, qui était en fait une nouvelle armée aux côtés de la Navy, etc. Là, le US Space Command, c'est quelque chose qui n'est pas une nouvelle armée, donc on n'a d'ailleurs pas besoin de l'approbation du Congrès pour le faire. Donc, c'est beaucoup moins révolutionnaire que l'annonce le laisse paraître. D'accord. Combien de satellites américains militaires? Ils sont vraiment en tête, les Américains, voilà, sur le... un peu plus de 170 aujourd'hui, semble-t-il. Oui, 170. Voilà. Ça représente un budget important, l'espace pour l'armée. Alors, ça représente un budget important, alors qui est toujours difficile à préciser. Alors, c'est évidemment quelques milliards. Enfin, on est sans doute aux alentours de... Alors, selon les observateurs, les analystes, on est au-delà des 20 milliards de dollars par an. Juste pour donner une petite effet de comparaison, le budget spatial européen aujourd'hui, à travers l'Agence spatiale européenne, par exemple, c'est 6 milliards d'euros. Et le budget spatial français avec le CNES, c'est 2 milliards d'euros par an. Donc là, on parle de toutes les activités spatiales civiles de l'Europe qui sont civiles, vous avez raison, civiles de l'Europe, et on doit rajouter quelques centaines de millions par an pour l'effort militaire. Ouais, donc on est bien en dessous du budget américain. On est très très en dessous, parce que si vous additionnez le budget spatial militaire américain et le budget spatial civil, on va être dans des ordres de grandeur d'une cinquantaine de milliards de dollars, donc on va dire 45 milliards d'euros par an. Alors évidemment, les très grandes puissances spatiales, historiques j'allais dire, donc aujourd'hui, alors historique et un peu moins historique, les États-Unis, la Russie évidemment, mais aussi la Chine désormais, l'Inde, sont des pays qui ont des programmes spatiaux militaires qui sont en croissance, les États-Unis très au-delà des autres, et puis la France est le pays européen qui a un programme spatial militaire un peu complet. Oui. D'ailleurs, la France aussi va avoir son commandement de l'espace, comme l'a annoncé Emmanuel Macron le 13 juillet dernier. La nouvelle doctrine spatiale militaire qui m'a été proposée par la ministre et que j'ai approuvé, permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace. Nous renforcerons notre connaissance de la situation spatiale. Nous protégerons mieux nos satellites, y compris de manière active, et pour donner corps à cette doctrine. Un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Alors, septembre, nous y sommes. Hein. L'armée de l'air et de l'espace a été créée. Quelle sera la différence entre l'ancienne armée de l'air et puis cette actuelle armée de l'air et de l'espace, Xavier Pascaud? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'armée de l'air devient armée de l'air et de l'espace parce qu'elle prend sous sa coupe, j'allais dire, un commandement spatial. Il existait un commandement interarmée de l'espace créé en 2010, hein, qui lui avait quand même été plus transverse, j'allais dire. Donc il était à la fois au service des différentes armées auprès de l'état-major. Là, on a quelque chose à qui on demande finalement, une organisation à laquelle on demande d'être plus opérationnelle, d'être moins dans l'organisation, la planification, et un petit peu plus dans la conduite des opérations. Mais alors, donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire que ce commandement est censé avoir, d'une façon, je dirais, regrouper et coordonner l'ensemble des leviers qui font fonctionner le spatial militaire français. Alors l'ensemble des leviers, c'est quoi? C'est par exemple contrôler les satellites directement par des militaires, les faire manœuvrer s'ils supposent d'être manœuvrés, etc. C'est aussi un commandement qui va être capable de surveiller l'espace, d'en faire une cartographie, de détecter ce qui s'y passe. Donc si vous prenez l'ensemble des fonctions de A jusqu'à Z, l'ambition c'est de les regrouper. Donc c'est avant tout une histoire d'organisation là, ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron? Oui, c'est une histoire d'organisation. En même temps, on change un petit peu de perception et de perspective pour éventuellement voir l'espace évoluer comme un champ d'affrontement. 3, 2, 1, top. Allumage à tout. Décollage. Lancement réussi mercredi depuis Kourou en Guyane pour le satellite français CSO-1, un satellite d'observation nouvelle génération dédié à la défense et à la sécurité. La mise en orbite par une fusée Soyouz a été couronnée de succès. CSO-1 sera rejoint d'ici 2020 et 2021 par deux autres satellites de la même famille. Ce lancement marque le début du renouvellement des moyens spatiaux militaires français qui renforceront les capacités en matière de renseignement spatial et d'appui aux opérations de terrain. Le lancement de ce satellite CSO-1 a eu lieu le 19 décembre 2018. Deux autres satellites CSO suivront. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la défense française? Alors, en gros, ce sont des satellites qui remplacent les anciens satellites Helios, hein, qui étaient des satellites qui ont été les premiers satellites militaires à observer la Terre à des fins militaires. En gros, ce sont des satellites qui ont des capacités d'observation extrêmement précises et qui permettent de voir de manière détaillée ce qui se passe. Alors, quand on parle de regarder de façon détaillée, quelle est la résolution avec laquelle CSO va pouvoir regarder? Alors ça, c'est le secret le mieux gardé des militaires dans leur ensemble, dans tous pays. À savoir la résolution, genre jusqu'à quel point vous pouvez voir des objets de petite taille, c'est un secret qui est extrêmement gardé. En toute réalité, il y a très très peu de gens qui sont au courant, y compris, je pense, dans l'institution militaire, de la réalité de la résolution. C'est amusant, parce qu'en lisant un petit peu d'articles, moi j'ai vu 30 cm, c'est un chiffre complètement... 30 cm aujourd'hui... Des objets de 30 cm depuis, effectivement, 500 km d'altitude. Vous avez des satellites commerciaux aujourd'hui américains qui donnent des images de 30 cm. Donc certainement qu'ils peuvent faire mieux. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des satellites très coûteux qui vont faire la même chose que des satellites commerciaux? Donc on imagine quand même, on ne peut pas donner de chiffres, vous le dites, c'est très secret, mais on imagine que ces satellites qui évoluent à 500 km d'altitude sont capables d'une résolution incroyable. On est de l'ordre de la dizaine de centimètres, 20 centimètres. Sans doute. Après, tout dépend du besoin que vous avez. Il y a la résolution, c'est une chose. Mais vous avez aussi l'agilité. C'est-à-dire que ces satellites sont censés prendre des images en permanence dans tous les sens, j'allais dire, sous tous les azimuts. Donc ce sont des vraies machines, en fait, à photographier. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mettre au point avec des taux de précision qui sont extraordinaires. Alors, il y a d'autres satellites militaires français qui seront lancés dans les prochaines années. Trois satellites Cérès. Oui, alors ça, ce sont des satellites d'écoute électromagnétique. En gros, des satellites qui écoutent toutes les émissions électromagnétiques qui sont émises depuis le sol. Alors ça peut servir à quoi? Il y a différents types d'usages. Vous avez d'abord, et ce sont les premiers satellites qui sont en général mis en œuvre dans ce domaine, ceux qui vont écouter les radars de défense, pour vous permettre à vos avions, finalement, de les éviter, voire de les brouiller sur la bonne fréquence. Et puis, vous avez des satellites qui sont plus spécialisés, qui vont vous écouter les télécommunications. Vont écouter les contenus, éventuellement, des télécommunications. Et puis, aujourd'hui, avec la technologie qui évolue, on peut mettre tout ça sur des satellites identiques, et finalement, on va faire une espèce d'écoute à large spectre. Et puis, trois satellites de télécommunications militaires, Syracuse 4, ce sont leurs noms, mais je ne sais pas trop à quoi ils servent. Syracuse, alors, c'est un programme qui date d'il y a de nombreuses années. Il y a eu un Syracuse 1, Syracuse 2, Syracuse 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ces programmes? Ce sont des programmes donc qui font de la télécommunication, comme les programmes civils, sauf que c'est pour les militaires, donc c'est un peu durci, c'est protégé contre les brouillages, ça fonctionne dans des fréquences particulières pour envoyer des messages particuliers. Voilà, ce sont des satellites de télécommunication essentiellement, d'ailleurs construits par les mêmes industriels, mais avec un cahier des charges spécifique. Alors, les rapports entre les nations concernant le spatial sont assez ambigus. On l'entendait hein, pour le lancement du dernier satellite militaire CSO. C'est un vaisseau Soyouz, c'est un vaisseau russe qui a mis en orbite ce satellite militaire français. Et puis alors, on apprend ensuite que les satellites russes viennent espionner les satellites français. Donc on a l'impression qu'on est à la fois parfois alliés, parfois adversaires. Oui, l'espace, c'est sans doute l'un des domaines où la coopération internationale est la plus réelle. Et puis c'est un domaine de confrontation. Donc vous avez raison, les deux coexistent en réalité. Et Soyouz, il faut savoir que, eh bien, c'est aussi des Soyouz qui parfois partent de Guyane. On a en Guyane des fusées Soyouz qui emmènent des satellites de toute nature. Donc tout ça est très compliqué, il y a des accords industriels, mais puis il y a la réalité de la vie militaire avec évidemment parfois des petites confrontations. La France est-elle vraiment autonome en matière spatiale, tout compte fait? Alors, la France l'est dans la mesure où, et ça c'est ce qui a justifié le démarrage par exemple d'un programme de satellite d'observation militaire, elle est capable de juger par elle-même de la réalité d'une situation qu'on lui décrit. Et donc d'engager ou non, par exemple, les soldats sur la foi d'informations extérieures, ce serait peu fiable. Mais en revanche, si vous avez l'information par vous-même, la particularité d'un satellite militaire d'observation, c'est d'être contrôlé de A jusqu'à Z. On sait qu'il y a ce qu'on appelle l'intégrité de la donnée. On ne peut pas se faire embobiner par un pays même ami qui nous dirait il y a des armes de destruction massive dans tel pays. Par exemple. Eh bien, grâce à mes satellites, je peux vérifier que l'information... Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui s'est passé pour l'Irak. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y a eu, par exemple, effectivement, la description parfois de colonnes irakiennes qui remontaient vers le nord. Et la France, et d'ailleurs l'a fait savoir par le biais de la presse, dit nous, on ne voit pas ça. Et à partir du moment où on ne voit pas ça, on ne prend pas la décision. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça donne une forme de crédibilité, une sorte de posture un peu autonome. C'est le talon d'Achille de nos sociétés, ces satellites, parce que tout on ne s'en rend pas compte, mais dans nos vies, tous les jours, on utilise des machines, des appareils qui dépendent directement des satellites. Directement ou indirectement. Les réseaux, même par exemple le réseau de fourniture d'électricité, est synchronisé par le biais de... Aujourd'hui, nos sociétés sont tellement numérisées et finalement fonctionnent tellement en réseau qu'il suffit que le SPACE intervienne à un moment donné dans ce réseau pour que dès lors qu'il tombe en panne, le réseau tombe en panne. On comprend pourquoi tous les pays sont vraiment sur cette thématique de défendre... contrôler l'espace, savoir ce qui s'y passe et pouvoir intervenir par rapport aux voisins, avoir toujours le dessus, le coup d'avance par rapport aux voisins. Voilà, les satellites sont perçus comme des cibles potentielles. Et du coup, ça stresse un peu tout le monde dans le domaine militaire, finalement, et tout le monde pense qu'il va devoir protéger ses satellites contre une attaque éventuelle. Et là, on a un peu basculé dans une nouvelle époque, parce que pendant la guerre froide, paradoxalement, c'était beaucoup plus calme dans l'espace. C'est une forme de sanctuaire. On savait que finalement, on se menaçait mutuellement par l'arme nucléaire. Pour crédibiliser cette menace, il fallait que l'autre voit que vous aviez les moyens. Donc, on se regardait mutuellement et on n'avait aucun intérêt finalement à s'attaquer mutuellement. Aujourd'hui, c'est tout petit peu différent. Ouais. Aujourd'hui, 1500 satellites à 2000 en orbite au-dessus de nos têtes. Combien seront-ils en 2025? Ils seront beaucoup plus nombreux apparemment, puisqu'on a aujourd'hui des projets commerciaux de méga, ce qu'on appelle de méga constellations de satellites qui vont jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites en orbite. Alors des satellites qui ne feront plus plusieurs tonnes, ce sont des satellites de quelques kilos qui auront les mêmes performances parfois que satellites de quelques tonnes et qui seront lancés par centaines. Mais alors, est-ce qu'il faut craindre les embouteillages? Alors oui, aujourd'hui, c'est la grande crainte. Il y a deux craintes en réalité. C'est que sur certaines orbites très encombrées, il risque d'y avoir des effets de cascade en cas de collision et de débris. Et puis aussi, il y a le problème qui se profile de l'utilisation du spectre électromagnétique. Comment tout ça va fonctionner sans se brouiller? Ça reste un vrai challenge. Ouais. Sachant que aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les États, les gouvernements qui sont les acteurs du spatial. Se sont invités depuis plusieurs années maintenant des acteurs privés, notamment les milliardaires américains. On a Elon Musk avec SpaceX, on a aussi Jeff Bezos de Amazon. Eux aussi, ils vont participer, ils vont eux aussi avoir à lancer des satellites militaires. Les militaires vont composer avec ces nouveaux acteurs du spatial. C'est déjà le cas. Les deux personnages que vous avez cités, enfin surtout Elon Musk, commence à lancer des satellites militaires. C'est un fournisseur de lancement. Et puis, si ces infrastructures voient le jour, bah évidemment, les militaires seront très intéressés pour les utiliser. Donc, on a une sorte de relation symbiotique qui se met en place, surtout aux États-Unis, c'est vrai. C'est une vraie question aujourd'hui, cette réorganisation des rapports entre pouvoirs publics, j'allais dire, et acteurs privés qui dessinent une nouvelle économie du spatial. Oui, et puis cette idée que les militaires sont très liés à des acteurs privés, à des milliardaires. Voilà, ça pose la question de l'intérêt général, ben quand oui. même, quelque part. Mais en réalité, aujourd'hui, pour les Américains, l'espace, c'est d'abord de l'infrastructure, j'allais dire. Que ce soit une infrastructure que vous possédiez en tant que propriétaire ou que vous louiez, que vous allez utiliser comme un service, eh bien, c'est quelque chose qu'ils envisagent très bien. Ouais. Et d'ailleurs, pas seulement aux États-Unis, je dois dire, les principaux pays aussi, par le coût, ne serait-ce que par le coût engendré, par le développement de ces systèmes, eh bien, se voient aujourd'hui comme utilisateurs parmi d'autres. Merci, Xavier Pascaud. Je signale que vous avez consacré un livre, justement, aux nouveaux acteurs privés du spatial. Il s'intitule « Le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space », paru chez CNRS Éditions. Un grand merci à vous. Merci. Tout à l'heure à 16h, nous plongerons à la rencontre des baleines à bosse et des cachalots avec l'océanographe François Sarano et le bioacousticien Olivier Adam. Et dans un instant, au menu de la revue d'actu avec Mathieu Novak et Sophie Becherel, les conclusions du dernier rapport du GIEC sur les océans et puis une étude sur le contenu des biberons des bébés au temps de la préhistoire. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of Begin Again, c'était Norah Jones. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et c'est la revue d'actu scientifique de la semaine. Autour de la table, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Becherel de France Inter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Daniel. Depuis deux siècles, nous avons modifié la composition de l'atmosphère. L'effet de serre existe et la plupart des scientifiques prédisent que la température augmentera avec les teneurs du gaz carbonique dans l'atmosphère. Attention, l'homme agit de façon significative sur l'atmosphère, ça va modifier le climat de la Terre. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le glaciologue Claude Lorius tirait déjà la sonnette d'alarme en 1991 sur France Inter au micro de José Arthur et Kathleen Evin. Une trentaine d'années plus tard, on ne peut pas dire que l'horizon s'éclaircisse. Mathieu Novak, les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, viennent de publier un nouveau rapport. Oui, un nouveau, mais un premier qui fera date, malgré qu'il fasse beaucoup de rapports. Celui-là est un particulièrement important parce qu'il dit pour la première fois clairement que les océans se réchauffent, que les les glaces à la surface de la Terre fondent et que le niveau de la mer augmente. Mmh. Alors c'est la première fois que le GIEC dit ça. Alors on vient d'entendre cette intervention qui date maintenant. Mmh. Et le GIEC, c'est formation en 88, donc on se dit comment ça se fait que ce soit que la première fois. Mais c'est qu'il a fallu chercher ces données. On n'avait pas les données en mer, on n'avait pas les données sur la glace. Il a fallu accumuler les études. Et là, c'est pas une nouvelle étude, c'est une somme de 7000 études qui ont été réunies par une centaine de scientifiques. Le rapport au total, il fait 900 pages et il fait ce constat alarmant. Donc c'est une grande synthèse qu'ils font avec ça. Rapport. Ils font, une fois qu'ils estiment qu'ils ont en main suffisamment de matière, ils se disent on va faire le point sur les connaissances, on va faire un rapport conséquent et un résumé pour les décideurs. Alors qu'est-ce qu'ils voient cette fois-ci? Ils font plusieurs constats. Le premier, c'est que les océans depuis les années 70 ont absorbé 90% de la chaleur produite par les activités humaines. Alors pour donner un exemple, entre 2013 et 2015, le Pacifique du Nord-Ouest s'est réchauffé de 6 degrés. Alors comme ça, on pourrait se dire, bon, ben, la mer, elle se réchauffe, ça va être plus agréable l'été, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand l'océan est plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc il y a plus d'humidité dans l'air. Ça fait qu'il y aura davantage de pluies diluviennes. Ça va aussi renforcer la force des cyclones. Et ensuite, ça aura aussi de gros impacts dans l'eau. On ne sait pas encore très bien dans la biodiversité comment ça va agir. On sait que ça a un effet très néfaste sur les coraux. Mais il ne faut pas oublier que les océans, ils produisent 50% de notre oxygène et ils absorbent 25% du dioxyde de carbone. Donc il y aura un impact, c'est certain. Pour le moment, ils se contentent juste de dire que probablement sur la pêche, les prises risquent de diminuer d'un quart d'ici la fin du siècle. Et c'est pas le seul constat. Le deuxième qu'ils font, c'est celui de la fonte de tout ce qui est glace. Il faut voir que les océans, c'est 70% de la surface terrestre, et ce qu'on appelle la cryosphère, toutes ces glaces, c'est 10%. Et là, tout fond. Par exemple, le Groenland et l'Antarctique, ça fond à raison de 430 milliards de tonnes par an. Les glaciers, eux, c'est 220 milliards de tonnes par an. Alors, si vous aimez voir les glaciers, il va falloir faire votre deuil de tout ça, parce que d'ici la fin du siècle, 80% des glaciers auront disparu. Alors, ça va impacter tout d'abord tous ceux qui vivent en région de montagne, c'est 670 millions de personnes, mais pas seulement, parce que l'eau qu'ils font, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans les océans. Donc d'un côté, les océans qui se réchauffent, qui se dilatent, et en plus cet apport d'eau supplémentaire, la conclusion, c'est que les eaux montent. Ouais. Donc montée des océans. On a l'impression que tout ça, on en a déjà entendu parler. Peut-être ce qui est le plus impressionnant dans ce rapport, c'est que ça a l'air d'être pire encore que ce qu'on pensait. Oui, actuellement, par exemple, le niveau de la mer monte de 3,6 mm par an. Là, on prédit qu'on va arriver à 1,5 cm par an. Donc, ça veut dire qu'à la fin du siècle, on pensait qu'on serait sous le mètre. Là, on va être plutôt vers 1,10 m d'augmentation de niveau de la mer. Et je vous rappelle qu'il y a 680 millions de personnes qui vivent sur des zones côtières et 65 millions qui vivent dans des îles qui risquent d'être submergées. Donc, il va y avoir un impact direct sur ces populations. Donc là, on pourra séparer les populations plus pauvres qui vont devoir se déplacer, des déplacements massifs, des populations plus riches. Par exemple, autour de New York, on peut imaginer de construire des digues. Ça va coûter des dizaines, des centaines de milliards de dollars, mais il y aura un impact qui sera absolument direct. Sophie Becherel, ces conclusions, souvent, elles envisagent plusieurs scénarios. Hein, c'est-à-dire oui, alors là, il n'y a que deux scénarios qui ont été envisagés. On va dire le meilleur et le pire. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que le résumé que font les experts du GIEC à destination des décideurs n'est pas que ce constat alarmant, il y a aussi quand même des pistes pour agir, enfin en tout cas c'est ce que les experts essaient de faire, d'attirer l'attention sur le fait qu'on doit s'adapter et donc il faut anticiper cette montée des eaux notamment et la disparition par exemple de la ressource halieutique. Donc éventuellement commencer le déplacement de population, commencer la protection des côtes, faire des choses, ça permettra de diminuer l'impact. Mais ne rien faire, évidemment, c'est la pire des solutions. Mais la solution pour enrayer le phénomène, parce que ce qui est dramatique, c'est que le phénomène est pour une part déjà irréversible. Et donc la seule vraie solution, c'est de remonter après à la source et de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les deux pistes. On peut encore agir pour éviter le pire des scénarios et on peut déjà agir pour essayer de s'adapter et ne pas se prendre de plein fouet ce qui va arriver dans les 100 prochaines années. Oui, n'oublions pas qu'il y a déjà des villages en Alaska qui pensent à déménager complètement. 350 personnes, 650 personnes qui vivent la montée des eaux et qui vont devoir déménager. Il y a 20% du Bangladesh, par exemple, qui est dans des zones qui risquent de devenir inondables. Et là, c'est 20% du Bangladesh, c'est 30 millions de personnes à déplacer. Ils sont, vous qui les côtoyez, ces scientifiques, ils sont dans quel état, ces climatologues? Ils y croient encore? Ils sont désespérés de voir que les rapports s'amoncellent et que ça ne suit pas? Sophie ? Non, j'ai rarement rencontré un scientifique ultra pessimiste. En fait, à chaque fois, ils disent « si, si, on peut encore faire quelque chose ». C'est assez étonnant, mais moi, je n'ai pas rencontré de gens qui soient totalement désespérés. Alors celui-ci, c'est un lait maternisé. C'est pas bien ça ? Ah si, si, c'est très bien. C'est quoi la différence avec les autres laits ? C'est maternisé. Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge ? Ah bon, il y a deux âges. Je vous donne des biberons ? Ah oui, les biberons. Les tétines normales ou à trois vitesses ? Alors, ce n'était peut-être pas aussi compliqué de s'y retrouver au temps de la préhistoire, mais il y avait déjà des biberons, Sophie Becherel. Oui, c'est du moins ce que pensent des chercheurs de l'université de Bristol qui publient leur étude dans la revue Nature. Il y a 3000 ans, en effet, des petites poteries servaient sûrement de biberons aux bébés. En tout cas, ces petites poteries qui, en fait, sont des petits pots ouverts en argile avec un tube, si vous voulez, un peu comme une pipe, vous voyez, sauf qu'on pourrait verser quelque chose dedans, ont été trouvées dans 3 tombes d'enfants en Bavière. Donc, ces 3 petits vases qui, vraiment, ont la taille de vaisselle pour enfants, ont été analysés, et notamment le contenu de ce qu'il y avait dedans. Ça n'a pas été facile, vu la taille de la vaisselle miniature. Et là, ils ont trouvé des lipides issus de produits laitiers animaux, vaches, chèvres ou brebis. Et donc, ces chercheurs font l'hypothèse qu'il s'agit de lait que les bébés pouvaient téter compte tenu de la forme de ces petits vases avec ces petits becs verseurs. C'est pas la première fois qu'on trouve des céramiques de ce genre. Elles apparaissent en Europe au néolithique, il y a 5000 ans avant notre ère, mais ensuite elles se généralisent à l'âge de bronze et à l'âge de fer. Et dans cette étude, la concomitance de la présence de ces vases avec becs dans les tombes des enfants et la trace de produits laitiers fait donc dire aux chercheurs que leur usage, eh bien, c'était l'ancêtre des biberons pour sevrer ces enfants. On est à quelle époque à peu près 3000 ans. Il y a 3000 ans, déjà il y avait des biberons et déjà on buvait alors pas du lait de vache. Pas de bisphénol, pas de vitesse de tétine, mais voilà. C'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs semblent dire qu'effectivement, le lait animal a joué un rôle dans le sevrage des enfants. Et du coup, on sait peu de choses sur l'alimentation des jeunes enfants à la préhistoire, mais ça permet quand même de comprendre plusieurs questions. D'abord la mortalité infantile et puis la démographie des sociétés du passé. Parce que avec l'adoption d'un mode de vie sédentaire en Europe, au néolithique, qui coïncide avec alors l'élevage des animaux, l'agriculture, eh bien, on se rend compte que la période d'allaitement diminue. Autrefois, il y avait plus ou moins un enfant tous les 5 ans chez les chasseurs-cueilleurs. Et puis, avec l'arrivée du néolithique, on passe à un espace de temps de 2 ans seulement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le sevrage joue un rôle là-dedans ? C'est la question qu'il se pose. Parce que vous savez peut-être, Daniel, que allaiter un enfant, c'est pas sans conséquence sur la fertilité d'une femme. Ça joue comme un contraceptif naturel dans la mesure où ça stoppe la production d'hormones qui sont nécessaires à l'ovulation. Donc, une femme qui allait, elle diminue ses chances d'être fécondée. Alors, est-ce que à l'âge de bronze puis à l'âge de fer, on essaye de diminuer la période d'allaitement pour augmenter la démographie, donc augmenter le nombre d'enfants et ainsi devenir plus solide, on va dire, face à l'environnement difficile? C'est une question que se posent les chercheurs. Ils ont calculé que le sevrage, c'est-à-dire le mix entre le lait maternel et le lait animal, et puis l'introduction d'aliments solides, évidemment, commençait vers 6 mois et devait s'achever vers 2 ou 3 ans. Mathieu, il devait y avoir des avantages certains justement pour le développement, mais c'était pas sans risque aussi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'espèce humaine, mais prendre un lait d'un autre animal, ça va aussi prendre un risque parce que c'est un lait qui est pas pasteurisé. Donc nous on prend des moult précautions aujourd'hui, mais eux c'était assez empirique. Donc c'était une prise de risque aussi pour l'évolution de l'espèce. D'autant que le lait maternel est tout à fait adapté aux nourrissons. Mais il faut les voir, ces biberons, parce que c'est extraordinaire. Alors, fort heureusement, on enterre beaucoup moins nos enfants maintenant. Mais avant, on les enterrait avec leurs biberons. Oui. Aujourd'hui, on les enterrait quand même pas avec les biberons en plastique. Mais qu'est-ce que c'est joli. Ils ont des petites formes d'animaux. Ça rentre pile dans la main d'un enfant. Et c'est travaillé. C'est vraiment des vraies petites œuvres d'art. On peut les voir d'ailleurs sur le site de Science et Avenir. Il y a Je vous invite à les voir parce que c'est vraiment, c'est touchant. C'est touchant. Cet effort, comme on voyait, que l'alimentation passait aussi par un plaisir sans doute visuel et tactile pour aider les enfants à boire. On va mettre le lien sur la page du Vent dans les Synapses pour voir ces jolis biberons tout ronds. Et dans le reste de l'actu scientifique de la semaine, Mathieu Novak, des corps qui bougent longtemps après la mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, on n'est pas très loin du clip de Michael Jackson, Thriller, là, mais non, c'est pas encore du zombie, mais des chercheurs ont observé que les corps bougent vraiment après la mort, mais même plusieurs mois après. C'est-à-dire que vous prenez un corps avec les bras allongés le long du buste, et on voit qu'ils s'éloignent du buste, ils peuvent se retrouver même complètement en l'air, et même faire des allers-retours. Et ils l'ont observé pendant 17 mois. Alors, tiens, comment ça, ils ont observé pendant 17 mois. Alors, c'est quelque chose de très, très bizarre. C'est des des recherches qui sont très peu médiatisées. On appelle ça des fermes de corps. Donc, c'est des centres de recherche où les scientifiques observent les corps en décomposition. Ils prennent des photos toutes les 30 minutes pour voir comment évoluent les cadavres. Alors, pourquoi ils font ça? C'est très, très utile en médecine légale parce que pour le moment, on pensait que si un corps bouge après la mort, c'est qu'il a été déplacé par un humain ou un animal. Et là, on découvre que c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui les fait bouger, ces corps-là? Alors, effectivement, c'est tout simplement un processus naturel de momification des corps. C'est-à-dire que les ligaments, ils se déshydratent et quand ils se déshydratent, ils se contractent. Cette contraction du ligament fait que ça fait bouger les membres. Une bonne nouvelle pour terminer, Sophie Bécherel, pour nos astronautes. Le séjour dans l'espace ne nuit pas à la fertilité. Oui, c'est la dernière étude d'un professeur de l'université d'Osaka. Vous savez que jusqu'à maintenant, on avait des inquiétudes puisqu'il y avait notamment deux études sur du sperme de souris congelées qui avaient passé 9 mois dans la Station Spatiale Internationale et puis des animaux vivants. Et à chaque fois, on voyait que les radiations avaient quand même grandement altéré la qualité et la quantité du sperme de ces animaux. Alors cette fois-ci, après 35 jours dans l'ISS, des souris mâles vivantes, une fois redescendues sur Terre, sont parvenues à féconder des femelles et à donner naissance à des souriceaux en bonne santé et qui ne semblent pas avoir de problème sur leur appareil reproducteur. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la question qu'on se pose, c'est « Et chez l'homme, comment ça se passe ?» Mais évidemment, et alors c'est une question délicate parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications là-dessus. Les astronautes eux-mêmes sont assez discrets. Il y a ceux qui étaient déjà pairs avant leur mission spatiale. On considère qu'il n'y a pas de problème. Et il y a ceux qui ne le sont pas encore, à qui on propose de congeler le sperme. Mais quand on les interroge, ils sont assez muets sur la question. Donc voilà, ça si vous voyez, c'est un espoir. En même temps, c'est important de mener ces études parce que la spermatogénèse, elle se poursuit tout au long de la vie. Donc, les hommes ont un problème que les femmes n'ont pas. Et on dit que, vu la dose de radiation qu'ils prennent, il n'y a pas de raison que l'ADN ne soit pas abîmé. Trop abîmé pour faire des enfants, voilà, c'est... La question n'est toujours pas tranchée, mais cette étude va dans le bon sens. Ouais, merci Sophie Bécherel. Mathieu Novak, au sommaire du tout nouveau magazine. Il vient juste de sortir et on s'intéresse à la suite des découvertes des ondes gravitationnelles, à tous les phénomènes violents, collisions de trous noirs, d'étoiles à neutrons dans l'espace. Donc le Science et Avenir, tout nouveau dans les kiosques. Merci Mathieu Novak et Sophie Bécherel. Merci Daniel. Dans la deuxième heure du Vent dans les synapses, juste après le flash, nous allons plonger à la rencontre des baleines à bosse, des cachalots, des orques et des dauphins. Les scientifiques commencent à peine à entrevoir toute la richesse et la complexité de l'organisation sociale de ces mammifères marins, dont les comportements sociaux sont bien plus proches des nôtres que de ceux des poissons. C'est ce que nous allons découvrir avec l'océanographe François Sarano et le bioacousticien Olivier Adam. We'll be right back. C'était Amour Armure de Clément Froissart sur France Inter. Et après le flash, on part en immersion dans les sociétés encore très mal connues des baleines à bosse, cachalots et autres cétacés. À tout de suite.